d'artistes émergents. 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Ouh, petite émission, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, on a aussi un petit poste d'écoute à se faire avec des nouveautés musicales. L'assemblage requis, ça commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de 6x3 Rivières ce mercredi 10 septembre 2014. Hey, t'as un beau chandail. Merci, Rouge Pompier. Toi, c'est quoi? C'est un. Parce que là, je suis obligé de regarder tes seins parce que t'as comme trois seins. Hein. Non, ça, c'est trois yeux. C'est un monstre. Un monstre à trois yeux. Ah, mais pas de seins, le monstre, hein? Non, il n'y a pas de sein, ça, c'est les miens. Ça peut être trompeur, okay, ouais. OK, c'est ça. C'est pas de quel bar ça s'en va. C'est ça. Donc, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, à l'émission, on a Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture. Elle va être là pour nous parler d'art et spectacle. C'est vers les 8 heures, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. Autour de ça, on va faire nos chroniques maison. Entre autres, 5 semaines, ça devrait répondre là. Je pense même qu'on va commencer avec ça dans quelques instants, si on veut avoir le temps pour tout faire. Hey, on a tellement de contenu. Tellement. On a le poste d'écoute qu'on va faire plus tard à l'émission. En fait, on va faire deux fois le poste d'écoute cette semaine. Ben oui, on se garde. Ben oui. Le tien va être demain. Oui, puis là, toi, t'en fais un aujourd'hui. Oui, avec un CD qu'on a qui a été récompensé de plein de... Surprise! Succès! Oui, surprise tout à l'heure, en fin d'émission. Mais avant ça, pour débuter l'émission, tu nous as sorti du palmarès anglophone, une pièce qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on a hâte de découvrir. Écoute, en fait, je sais pas cette pièce-là, si je l'ai entendue, mais j'ai déjà entendu une pièce de cet artiste-là, et c'est La Sœur de Mozart. Fait que, enjoy! OK! Sur C'est fou, 89 FM. Mystère. Mystère Valère? Non. Drôle, non. Enjoy the little creep you put in me that I imply when the pressure gets too deep. I have that some man was out for my blood. Could I pay him what it's worth? Don't fuck with me. Mozart Sister avec la pièce Enjoy. Pas mauvais. T'as-tu enjoyé? Moi, j'ai bien enjoyé. Je suis tout enjoyeux. Comme hockey, comme un joyeux festin. C'est exactement ça. Tiens, un joyeux festin, ça va être peut-être un petit gadget, un petit jouet, tu sais. Oui. Ici, on n'a pas besoin de nourriture, on a juste des gogos. Ben, je prendrais le McDo qui va avec. Non. Oh, s'il te plaît. C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. C'est sexy, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles trouvés sur Internet. Et Stéphanie, si tu suivais un petit peu l'actualité hier, si t'as écouté le Mathieu Plante Show en partie, Apple a annoncé une voix iPhone. Étonnamment, oui. Je t'ai entendu en parler. C'est quand même le fun, tu sais. Une nouvelle case horaire que j'ai pas vraiment annoncée nulle part. Et tu m'écoutais quand même. Merci beaucoup. Hein? Quel hasard. Quel hasard. Donc, si on parlera pas du iPhone, évidemment, parce que c'est ça devrait répondre là, c'est des gadgets inutiles. Hein? Non, mais ça, c'est comme, je veux dire, c'est la vie. C'est la vie, le iPhone 6 Plus. Super méga corp. Mais non, c'est pour ceux qui veulent embarquer dans la guerre des Apple contre Android. J'ai embarqué un petit peu hier. Je voulais pas embarquer, mais... En fait, je me sens obligé quand quelqu'un parle contre iPhone et commence à parler de « Oh, tel Android est tellement meilleur, puis c'est le même depuis 2 ans, puis vous arrivez enfin en 2012. » C'est comme ta gueule. Tellement. T'en as pas besoin de ce genre de guerre-là. Je trouve que c'est inutile, ça n'a pas de but du tout. Mais aucun non. Objectif. Choisis le téléphone qui te plaît et ça finit là, ma non? Quote à la fin était « Si ça te rend heureux, c'est ça le but final. » Mais oui, t'as pas besoin de... Hein? Hein? C'est pas une question de prix, puis de... Non, mais... non, gars, non, non. Chacun ses priorités, chacun ses goûts. Bon. Mais bref, pour ceux qui veulent justement peut-être faire quelque chose contre un fan d'Apple et lui faire penser que son écran est brisé. Hein? Ça, c'est cruel. C'est un peu cruel. C'est des autocollants, mais qui sont protecteurs d'écran. Tu sais, on a déjà vu des autocollants qui faisaient semblant que l'écran était cassé. Oui. Mais ici, c'est aussi un protecteur d'écran. Ah! C'est cool, hein? Donc, super réaliste, parfait pour faire des blagues à vos amis ou aux membres de votre famille sur leur iPhone ou leur iPad. On peut le changer pendant qu'ils ne regardent pas. Dans chaque emballage, on reçoit un protecteur d'écran craqué. Deux pour l'iPhone 5, deux pour l'iPhone 4 et deux pour l'iPad dans le même emballage. Ah oui! C'est beaucoup pour un seul prix. Ben surtout que, je veux dire, tu n'as peut-être pas autant de iPad et de iPhone dans ton entourage pour faire autant de gags. Mmh. Faut vraiment vouloir. Faut vraiment haïr Apple pour en mettre sur tous les faut iPads et iPhones. Pour ça. À moins de vouloir donner un look... à son propre iPhone et se dire les gens vont pas le voler, ils vont penser qu'il est cassé. C'est un de leurs objectifs aussi, c'est un appareil anti-vol aussi. Mais moi, je serais pas capable d'endurer ça. Jamais, non, hey. Mais je regarde ça et ça me fait penser, jadis, avec l'iPhone de Jean-Philippe Charbonneau. Oui, co-animateur des Palmarès C'est fou, mercredi 14h. Exactement. Pensait que l'écran de son iPhone était craqué, mais c'était son arrière-plan. C'était un chat? Oui, c'était une moustache de chat. Il pensait que c'était craqué. C'était tout simplement la moustache du chat sur la photo derrière. On va-tu en rire pour toujours, ça? Oui, ouais. Je me réveille la nuit pour en rire. Donc, ça coûte 10$ chez Thingy, qui les écrans craqués et système de sécurité. Ensuite, on n'a pas l'extrait sonore pour l'entendre, malheureusement, mais c'est un Self-Contained Autonomous Mechanical Band. Ça commence à dater, ce gadget-là. J'espère que vous l'avez pas vu passer, mais c'est un armoire de bois avec 17 instruments de musique à l'intérieur. Guitare, batterie, banjo, bloc de bois, tambourine, cloche à vache. Tout ça est contrôlé par ordinateur et joué avec des appareils pneumatiques complètement précisément calibrés. Donc, on choisit parmi 13 000 MIDI, MP3 et chansons karaoké sur l'écran tactile. On s'assoit et on regarde les instruments jouer tout seul dans la boîte. Ça coûte 54 000$. Wow, et tout le monde sait que des fichiers MIDI, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben, c'est ça. Mais si les instruments les jouent correctement, en fait, le fichier MIDI en tant que tel, quand c'est joué par un ordinateur, en effet, ça sonne mal. Ouais. Mais quand c'est accouplé avec les vrais instruments, ça sonne vraiment bien. J'ai jamais eu la chance d'écouter ça. Non, la dernière janvier. Ah ouais? Professionnel du MIDI. Parfait. Ensuite. Je vais lui demander ce MIDI. C'est à quelle heure tu vas demander ça? Midi. Ouais, c'est ça. Joke là. C'est pas mal, hein? Pas mal. Ensuite, tiens, allons-y avec un papier de toilette camouflage. Ah! Pour ça, ils veulent pas se faire voir en train de s'essuyer, j'imagine. Donc, c'est un rouleau de 100 pieds de long. Ben, le papier, pas le rouleau en tant que tel. Ça se range mal dans les armoires un peu. Mais c'est ça, c'est un design de camouflage. Je trouve un petit peu boisé avec du rose, du vert, des feuilles d'automne, je crois, si je le vois de loin comme ça. C'est 10$ environ. Ça va peut-être masquer la couleur de ce que vous faites dessus. Ensuite, une clé USB, mais on veut que ce soit subtil. On veut pas que les gens nous la volent, tu sais. Et quelqu'un ira pas dans ta poche te voler un condom, mettons. Donc, une clé USB en forme d'emballage de condom, Durex. Ben, je sais pas. Des fois, quand t'es mal pris. Un coup mal pris. $15.50, c'est une clé USB. Hey, ça nous précise dans l'article, compatible avec plusieurs plateformes. Hey, la première fois que je vois une clé USB compatible. Hey, et Mac, et Windows, et Android. Oh. Incroyable. Donc, c'est le Condom USB Drive. En fait, ça dit pas Durex dessus, mais le logo est clairement Durex. Là, j'arrive pas à lire de loin comme ça. C'est condom, je pense, c'est le mot qui est écrit dessus à la place de Durex. Ensuite, c'est des meubles transformables qui peuvent changer lorsqu'on les roule de différents côtés. Les rouler, c'est un peu difficile à expliquer le mouvement qu'on doit faire. Ça s'appelle DICE. C'est des meubles qu'on roule, qu'on vire ou qu'on flippe de différents côtés pour faire différentes choses avec. Donc, c'est un concept de Torafu Architects. Ça va être fabriqué par Tansisha. D'un côté, DICE, c'est un petit bureau pour enfants avec une chaise. D'un autre côté, c'est une petite bibliothèque pour des livres, etc., etc. Sinon, ça peut être un banc pour les adultes. Ça devient aussi un divan, un lit pour les adultes, un lit pour les chats. Donc, tu vois que, dans le fond, le meuble est un seul morceau et tu peux le virer de côté pour avoir différentes fonctionnalités. Vraiment brillant. Ce n'est pas un lit là, t'sais, sur lequel tu t'étends. Non, non. Mais tu peux dormir, genre... d'une certaine façon. En boule. Peut-être si t'en mets plusieurs de côté. Ouais, en boule. Je sais pas trop. Mais c'est joli, c'est tout petit, tout minuscule. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Les couleurs sont belles aussi. Oui, c'est joli. Du petit bleu pastel, un petit rouge bourgogne. C'est sympathique. Un petit jaune serein, un beige sable. Hey, on a-tu des mots pour chaque couleur, hein? C'est beau. Ensuite, c'est un téléphone qui vous force à ne pas socialiser. En fait, je vais le dire dès le départ, alors que l'article dit à la fin, que c'est une blague, c'est pas vraiment un produit qu'on peut acheter. Mais bon, on s'imagine un groupe de gens assis à une table, toujours sur son téléphone cellulaire, tout le monde est sur son téléphone, personne ne socialise, personne ne se parle. C'est de plus en plus commun dans la vie. Et bien, le NoPhone, un téléphone révolutionnaire, hein, qui ramène le social dans les rassemblements sociaux. C'est un téléphone qui peut résister à la salle de bain, c'est-à-dire à l'eau et aux autres... truc mouillé. Pas de caméra, pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, pas de fonctionnalité de téléphone non plus. En fait, c'est un presse-papier avec rien d'autre que le téléphone que sa forme. Le but était donc d'encourager les gens à avoir un rectangle doux, hein, de plastique froid, à avoir avec soi dans ses mains pour avoir l'impression d'avoir son téléphone, mais ne pas pouvoir s'en servir. Mais c'est ça, on peut pas l'acheter. C'est juste agace. C'est un petit peu agace. Ensuite, le matin, Steph, on parle souvent en période d'examen de café à la course. Oui. C'est comme une blague à la course, un running gag. C'est un peu la même chose. Ouais, un running coffee. Running coffee. Mais ça manque des fois dans votre café de tous les jours. On doit pas, on veut pas aller au bar se chercher un extra alcool. On veut transporter son alcool soi-même. Ben oui, tu peux choisir ton alcool. C'est économique. Oui, tu peux en mettre la quantité que tu veux. Tu mets la fiole au complet, tu sais, s'il faut. Donc, c'est le Extreme Shot Coffee Mug. C'est une tasse de café qui vient avec une sangle de cuir sur le côté. Vous pouvez mettre votre petite flasque avec l'alcool à l'intérieur. Tout ça pour $15 et ça comprend la petite flasque. Donc, c'est pas cher quand même pour une tasse avec le truc, mais il n'y a pas d'alcool. Ben, c'est sûr. Ouais. Si on veut pouvoir choisir. C'est ça, là. C'est ça, là. Il aurait pu commencer avec un petit... juste le par défaut, là, tu sais. Un petit peu de Baileys. C'est le défaut, ça. Oui, mais je... Oui, oui. Ouais, ouais. Le Baileys, pour moi, c'est la base. Ensuite, être parent, c'est difficile. Hein? Des fois, tu peux manquer les premières activités de ton enfant, peut-être la première fois qu'il marche, etc., etc. Mais par contre, on peut utiliser la technologie moderne pour faire sentir notre présence d'une façon ou d'une autre. Par exemple, avec le Toy Mail. C'est un petit objet en forme de boîte aux lettres où on peut envoyer un message de boîte vocale directement à son enfant. Et l'enfant peut aussi t'envoyer des messages en appuyant sur « Répondre ». Toy Mail est disponible pour $82 environ. Donc, tu vois la petite boîte aux lettres, un haut-parleur dessus. Et le message est envoyé à ça. Et l'enfant l'entend et après ça fait répondre, envoie un message que toi tu reçois sur ton téléphone. C'est cool! Ouais, c'est une bonne idée. C'est full mignon! Avec une petite face à la boîte aux lettres, tout. Mais j'en veux un. J'en veux deux. Alors c'est toi qui gagne encore. Tout le temps. Ensuite, un haut-parleur qui vous permet de crier, entre guillemets, mais à une seule personne. Ah! Disons que tu rencontres une personne avec à qui tu veux, pas avec qui, mais à qui tu veux parler. Mais l'extérieur est trop bruyant et il peut pas entendre ta voix. Hein? Ou encore, tu veux garder ton message privé, donc tu peux pas le crier à l'autre personne. Là, ben t'es non. mal pris. Là. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, arrive Fuji. T'envoies un texto. Un texto ou un message vidéo sur Skype ou encore un courriel. Un message de fumée. Oui, encore. Fumée, ouais. Le langage des signes. T'apprends le langage des signes pendant quelques années. Oui, oui, pour un simple message. Mais si tu veux vraiment te casser la tête pour rien et te trouver, ou en fait te décasser la tête, comme on pourrait dire, avec un gadget qui va te servir à une seule fonctionnalité, c'est Fuji Xerox qui nous amène ce téléphoto Megaphone. Après tout plein de recherche et développement, ils ont créé ce produit-là qui est dans le fond un mégaphone, comme on connaît, donc un loudspeaker ou un truc qu'on tient dans la main pour parler fort. Mais en fait, c'est ciblé. C'est imprimé par 3D et ça permet à l'utilisateur de parler de très très très loin en pointant le mégaphone vers une personne. Ça va être amplifié et la personne va t'entendre. Et les autres t'entendront pas. Les autres t'entendront apparemment pas si tu vises vraiment correctement la personne. C'est encore en phase de prototypage. Donc un jour, peut-être que ce sera un vrai produit. Mais c'est très drôle, dans la vidéo, tu vois plein d'Asiatiques heureux qui testent. Là. Ils font plein de manipulations, toutes minutieuses avec leur petite puce électronique et tout ça. Là. Mais ça a l'air cool. Oui, c'est un bon jouet, je trouve. C'est inutile, mais je suis sûre que tu peux avoir des heures de plaisir avec ça. Tellement. Là. Pour les enfants, je pense, principalement. Ou pas! Oups. Moi, je prendrais. Ensuite, t'as tout le temps des fils qui tombent sur le côté de ton lit. Moi, c'est mon problème à la maison, c'est à côté de mon lit. J'ai deux prises de courant, mais trois gadgets à brancher. Des fois, c'est ma montre, mon téléphone, mon portable, etc. Il y a tout le temps un fil qui est par terre. Ben oui. Mais là, ça va, c'est à côté de mon lit, mais derrière le bureau, le fil est à terre, tu le trouves pas. Tu sais plus, il faut que tu suives le fil jusqu'à ton appareil. C'est pas le fun. Donc, c'est les plug-out. C'est une petite bande adhésive. Qu'on colle en dessous des prises, juste en dessous des prises de courant. Et c'est des petites genres de punaises de caoutchouc. Et les fils se snappent dedans. Ah. Donc, quand tu le débranches, mettons, tu as trois fils et deux prises. Tu as un fil qui va être snappé après le truc de caoutchouc. Et tu peux faire l'échange et snapper l'autre, brancher l'autre. Super cool, c'est du silicone, en fait, pas du caoutchouc. Et ça tient vos fils de façon très sécuritaire. C'est complètement... le truc est adhésif et non tachant. Donc, on peut l'enlever sans laisser de marque derrière. On reçoit deux plug-outs par emballage, soit en noir en blanc, en noir et blanc ou encore en vert et orange. C'est disponible pour 7,50 $ chez Perpetual Kid. Pas cher, esthétique, pratique. Ouais. Puis ça a l'air doux. Oui, du silicone, c'est tout le temps doux, c'est le fun. J'aime ça. Moi, j'approuve. Ensuite, un autre truc à coller, donc adhésif, c'est le Hugo's Amazing Tape. Les gens s'en servent dans la communauté des amateurs de jeux de table ou des jeux, moi en français pour ça, jeux de société, voilà, jeux de société. Je sais pas pourquoi, parce qu'il me semble que... Ben, tu joues pas tout seul à ça. T'es imagine social. Que tu sois en société. J'imagine. Donc, on utilise ça dans la communauté des amateurs de jeux de société pour garder les boîtes bien fermées ou dans la communauté des cartes à collectionner aussi. C'est du ruban collant flexible, réutilisable et ça ne colle qu'à lui-même. C'est ça la caractéristique spéciale. Ça ne colle pas sur rien d'autre que sur son propre autocollant. Donc, c'est idéal pour emballer quelque chose qu'on va avoir à déballer souvent. Des fils, par exemple. C'est disponible de différentes longueurs, différentes largeurs, permettant de couper en plus à la longueur désirée. On peut utiliser ça pour peut-être coller des affaires ensemble. Tu sais, mettons, t'as un bâton de... Ben, c'est pas un bâton, mais de la colle forte. Il faut que les choses tiennent ensemble pendant un long bout de temps. T'as pas de pince pour les... Tu sais, tu peux les coller c'est ensemble. C'est pas fou, ça. Oui, ça me semble vraiment pratique. Et peut-être même pour le papier d'emballage de Noël. Tu mets le tape autour, qui colle sur lui-même et le t'as même pas besoin d'emballage. Tu fais juste emballer le cadeau avec ça. Et voilà. Et tu le réutilises pour chaque cadeau. Exactement. En fait, t'as une salle d'attente avec c'est un ça. Cadeau à la fois. Tu retournes emballer l'autre. OK. Donc, le Hugo's 2 pouces par 50 pieds, le Amazing Tape pour 12 $ sur Amazon. Ça ne laisse pas de résidus derrière et ça ne se défait pas comme des élastiques, entre autres. Des élastiques, ça va s'effriter un peu avec le temps. En fait, même, je te dirais que ça fond et ça colle sur l'objet. J'ai trouvé des vieilles affaires emballées. Ben, emballées. Attachées avec des élastiques de caoutchouc, ça fait vraiment plein de cochonneries. Détestable. Ouais. Ensuite, votre chat veut manger, mais des fois, vous n'êtes pas à la maison. Ça peut arriver, on peut être occupé. Des fois, la vie va plus vite qu'on le pense. Juste partir en voyage quelques jours. Il faut que tu demandes à tes voisins de s'occuper du chat. Exactement. C'est pas le fun. Donc, avec la liberté qu'on a dans la vie de faire tout plein de choses, des fois, nos chats sont laissés derrière. Et il y a maintenant la possibilité, grâce au financement social sur Internet, de produits comme le Bistro Smart Feeder, pardon. Qui va drastiquement changer la façon dont on s'occupe de nos chats. Il y a une caméra qui analyse le visage du chat lorsqu'il approche la machine pour savoir que c'est vraiment ce chat-là. Si vous avez plusieurs chats, ça pourrait être pratique. Donc, l'appareil va surveiller ses différents facteurs. En fait, son poids via une balance, une pesée à l'avant de la machine. Le nombre de fois qu'il mange par jour, combien il mange, la valeur de tout ça. Et si ça remarque un changement par rapport à la normale, vous allez recevoir une notification automatiquement sur votre téléphone. En plus de surveiller un paquet de facteurs comme ça, le Bistro Feeder peut essayer de faire du Smart Portion Control, le contrôle des portions, comme on a des machines à bonbons où on donne 3 peanuts. Oui, portion santé. Portion santé, 25 cents, 3 peanuts, c'est rentable. Mais c'est santé. Oui, oui. Donc, si jamais votre chat a tendance à voler la nourriture des autres, donc dans d'autres bols qu'il y aurait dans votre maison, je sais pas, il va contrôler, j'imagine, par rapport à son poids avec le temps, peut-être qu'il va savoir qu'il en mange ailleurs. Je sais pas comment il fait ça, mais il contrôle les portions. Bref, voilà. Donc, ça limite la nourriture qui va rester après l'avoir nourri, basé sur ce que ça a appris des habitudes du chat. Donc... Si, mettons, il a ouais, mangé... Oui, mais c'est parce que si moi, je veux justement contrôler qu'il en mange pas trop, ouais. Je veux pas qu'il en donne à chaque fois. Là. D'après moi, ça doit être personnalisable. Oui. Sur le nombre de fois que tu devrais parce le nourrir. Parce que sinon, je le sais que si à chaque fois, ça lui donne de la bouffe, moi, mon chat, c'est clair qu'elle se couche la bouche ouverte en dessous. Donc, on peut en avoir un pour 219$. Ça va venir avec une petite tente pour chat qui s'appelle Cozy Bistro Cat Tent. Dispendieux. Oui, c'est très, très dispendieux. Mais pratique. Et tu payes une seule fois et tu l'as pour la vie. Tu sais? Mais il faut que tu achètes la bouffe aussi. Ben oui, mais il faut que tu achètes la bouffe de toute façon. C'est ça. Ensuite, une lumière USB pour votre ordinateur qui peut vous envoyer des alertes sur à peu près n'importe quoi. C'est la Blink avec un 1 entre parenthèses, la Blink One. Donc, c'est une petite lumière à statut, si on veut, LED, USB, qui se branche dans votre PC, Mac, Linux ou même Raspberry Pi. Et on peut faire clignoter de différentes couleurs lorsque quelque chose a lieu et que tu veux le savoir. Hein? Donc, par exemple, si tu veux savoir si ton ami vient de se connecter à Skype, est-ce que tu veux recevoir une notification quand un long téléchargement est terminé, est-ce que tu veux afficher une lumière occupée sur ton ordinateur pour dire que tu es en réunion, pour que tes collègues le sachent, des trucs comme ça. Donc, tu peux assigner plusieurs alertes à un seul blink. Et chaque alerte va avoir une couleur différente, par exemple, un différent pattern, un clignotement différent et une luminosité différente. Tu peux aussi connecter plusieurs Blink One au même ordinateur. Les alertes sont facilement paramétrables sur l'ordinateur Mac ou Windows avec une petite application qui se connecte donc via l'application IFT. Tu peux aussi y aller par courriel et des trucs comme ça. Tu peux acheter un Blink One pour 30$ et il y a des rabais si tu en achètes plusieurs. C'est le fun. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Tu pourrais l'avoir sur une extension. On pourrait même l'avoir. On pourrait probablement faire suivre une extension devant le studio de C'est fou pour dire qu'on est en monde, je sais ben pas. Ben oui. C'est fun, ça. Il y a un chroniqueur d'arriver. On ouvre la porte. C'est ça, au lieu d'une sonnette. Non, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ensuite, on est tous stressés dans la vie. On essaie de nous donner une façon de déstresser avec des pierres calmantes. Des roches. Des roches. Ouais, c'est quoi la différence entre une pierre et une roche? Il y en a pas. Bon, ça répond à ma question, ça. Donc, quand on est anxieux, on est angoissé, on est stressé, on veut se calmer un petit peu. C'est une pierre ou une roche créée par le designer Ramon Telfer. Hein? C'est un outil anti-anxiété pour ceux qui ont des attaques de panique, des attaques d'angoisse. Donc, la Calming Stone permet à l'utilisateur d'utiliser plusieurs techniques pour se calmer. Par exemple, l'appareil va relâcher de l'air froid sur l'utilisateur pour encourager une respiration plus calme. Apparemment que ça fonctionne. Il y a aussi des capsules de lavande qui peuvent être utilisées pour calmer par l'odorat. Ah, miam de lavande. Ben oui. Et la pierre a un peu de configuration facile à utiliser et une lumière à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser dans le noir. Il y a aussi, c'est sans fil pour commencer, avec un écouteur sans fil pour guider l'utilisateur avec une série de méditations. Et la Calming Stone est dans le en phase prototype encore, en plein développement. On cherche des investisseurs pour aider à faire de ça une réalité. Écoute, ça a l'air tellement inutile, mais on dirait que c'est tellement beau. Je suis comme attachée, soudainement. Non, mais superficielle, je sais pas ça. Sans, j'aurais le goût de me... Je sais pas, me coller, me frotter sa joue. La luffer. Ensuite, c'est une alternative au Philips Ambilight. C'est une technologie de Philips, bien sûr, qui permet à votre télé, en fait, c'est comme un modèle spécial, là, qui vous permet de changer la couleur de votre télé par rapport à ce qui joue dessus. C'est une alternative à ça, donc ce système pour les PC. C'est pas le premier qui existe, mais quand même, celui est assez simple. C'est une bandelette de lumière LED avec un dos adhésif. Comme plusieurs autres solutions comme celle-là, AmbiLED HD va se connecter à votre ordinateur via USB pour analyser les couleurs qui sont affichées par votre moniteur et ça va émettre des couleurs similaires de tous les côtés. Donc, tu as vu que les bandes vont tout le tour de l'écran et s'il y a du bleu en haut à droite, ça va être des lumières bleues en haut à droite et ça va éclairer derrière l'écran et vers le mur et apparemment, ça donne une ambiance assez fun et que ça fait comme une immersion plus dans l'émission que vous écoutez ou le film. La différence, c'est que AmbiLED HD vous libère des... cordons, fils et autres qui normalement seraient derrière votre moniteur à cause de ce système-là parce que les bandes LED n'ont besoin que d'un seul connecteur donc pour 512 lumières. On a réussi à faire le tour d'une télé, d'un appareil 37 pouces HD TV avec 172 lumières seulement. Les bandes LED sont flexibles avec un derrière à adhésif réutilisable. C'est donc facile à ajuster ou à tasser sur un autre moniteur. On demande environ 100$ américains sur Kickstarter pour avoir AmbiLED HD en récompense. Et le kit va venir avec une unité de contrôle USB, un power supply pour le courant, un câble USB et 3 mètres de lumière LED, ce qui devrait être assez pour un moniteur de 40 pouces. C'est dur à dire le résultat que ça donne. Il faudrait vraiment que je le voie en vrai. Ouais. Parce que là, comme ça... Ça a pas l'air de faire un grand changement, mais j'ai vu des critiques disant que c'était cool. C'est même un choix de l'équipe de Kickstarter en ce moment comme projet. Donc, ça a peut-être du potentiel. Allez voir ça. Ah. Ensuite, FIXD. Quand tu as dans ta voiture un problème avec une de tes lumières, qui pas de lumière à l'arrière ou à l'avant de la voiture, mais les petites lumières sur l'affichage à l'avant de la voiture. Sur des le fois, tableau de bord? Le tableau de bord, tu vas avoir une petite lumière qui va s'allumer. Tu vas te demander ce que c'est. Ça arrive, ça? Oui, tout le temps. Là, il faut que tu sortes le manuel d'instruction, le guide de l'utilisateur dans le coffre à gants pour avoir l'explication et comprendre ça. Et après ça, il faut que tu ailles au garage pour savoir si ça va coûter quelque chose à changer. Ça coûte cher juste de faire vérifier si c'est le senseur de la lumière qui est pété ou si c'est vraiment un problème dans l'auto. Même s'il dit « Hey, buddy, t'es A1 dans ton char, man ». Même si, je sais pas, je fais parler en anglais un peu. Hey, non, buddy. Mais c'est parce que, admettons que ta lumière du moteur est allumée. Ouais. Ça veut pas dire que c'est nécessairement le moteur, ça peut être le petit senseur électronique de la lumière. Oh, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais si tu veux faire vérifier juste ça, c'est quand même dispendieux. Là. Est-ce que tu veux une solution alternative? Est-ce que tu as une solution? Ben, bien sûr! Donc, si tu penses que ta voiture va exploser, tu as besoin de la réponse tout de suite. C'est un gadget qui peut comprendre ces lumières-là et te dire si tu dois aller chez concessionnaire ou si tu peux continuer de conduire de façon sécuritaire. Fixed, donc c'est le nom de l'appareil FIXD. Ça se branche dans le port OBDII, le petit port justement que les garagistes utilisent pour brancher leur petit ordinateur dessus. Là. Ben déjà, il faudrait que je le trouve. Ben, c'est où ça? Il y a un port qui ressemble à une prise que tu connais pas. Oui, mais c'est où? C'est, je sais pas. Je pense que ça dépend de la marque des voitures. J'en ai aucune idée. J'en ai pas de voiture. Donc, l'appareil se connecte sans fil via iOS ou Android. Via Bluetooth. Donc, l'application Compagnon va même estimer combien ça vous coûterait en général faire réparer le problème que votre voiture a présentement. Ça te montre une icône sur le téléphone. Par exemple, bon, une icône vert qui dit ouverte. Une icône, bref, peu importe. Quand c'est vert, vous êtes bien correct. Vous pouvez continuer. Jaune, c'est faites attention. Rouge, c'est arrêtez bientôt. Il y a deux problèmes sur votre véhicule, c'est écrit juste en dessous. Wow! Fixed est sur Kickstarter en ce moment avec la version Android du matériel et l'application qui vient avec, qui vont arriver plus tard cette année. Et la version iOS s'en vient l'année prochaine. Pour 50$ ou plus, vous allez avoir une des deux versions sur Kickstarter. C'est pas si dispendieux que ça? Non, vraiment pas pour un gadget utile comme celui-là. Parce que pour le faire vérifier juste comme une fois, c'est à peu près ça, comme 50$. Hein? Imaginez le nombre de fois que vous allez l'utiliser, divisez ça par le nombre d'heures puis regardez le salaire de l'heure qu'il fait comparé à votre garagiste. Hein? Voilà. Ensuite, une montre, c'est bien le fun. Tu sais, Apple a annoncé sa Apple Watch hier. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, renseignez-vous là, ou écoutez le Mathieu Planchot d'hier sur assemblagejockey.com. Uh-huh. Une montre, c'est bien cool, mais si vous pouviez avoir l'heure et les informations et agir même sur votre appareil directement sur votre avant-bras. OK. Faut que tu te fasses greffer. Ben non! Un iPhone. Ben non, ridicule! Ah, il y a une autre solution! Il y a mais mieux! Mais je vais annuler mon rendez-vous immédiatement. je vais faire patcher ça là, trop tard, j'avais déjà fait. Donc, si vous pensez que Google Glass, par exemple, pour les yeux, c'est le futur, ou les montres intelligentes sont le futur, il y a une autre alternative, c'est le bracelet Secret. Hein, c'est une compagnie française. Je sais pas s'il faut dire Secret. Secret! Probablement Secret. Comme leur télé-réalité Secret Story. Ouais. Bref, c'est la suite de Love Story. Ils ont tout un secret. C'est incroyable. Donc, Secret est un gadget qui projette l'affichage de votre téléphone mobile sur votre peau. Hein? Et non seulement ça peut détecter de façon tactile hein, ce que vous faites sur votre appareil ben, sur votre avant-bras, ça le reflète sur votre appareil. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le bracelet utilise un picoprojecteur pour montrer ce qu'il y a sur votre appareil mobile, sur votre peau. Et ensuite, vous interagissez avec l'affichage projeté comme si c'était votre téléphone ou votre tablette avec l'aide de sensors de proximité. Il y en a 8. Tout ça est dans le bracelet. Ça surveille tout en tout temps. Le processeur du bracelet va analyser vos entrées, dans le fond, ce que vous faites. Et ça va renvoyer ça à votre appareil. Le bracelet va supposément aussi avoir de la mémoire interne. On demande environ 400 $ américains sur Indiegogo pour recevoir votre propre secret bracelet comme récompense. Et la compagnie essaie de trouver une façon de vendre ça entre 600 et 700 $ sur le marché. Wow. C'est énormément cher. Là. Mais moi, je sais que c'est pas un genre de truc qui m'intéresserait parce que déjà, juste sur mon iPod, des fois, c'est trop petit et on dirait que mes recherches sont moins efficaces. c'est peut-être niaiseux, mais on dirait que l'écran est trop petit. Mais imagine sur ma peau, je veux dire... C'est comme pas aussi clair, c'est petit, non. Plus t'as des grains de beauté dans ce coin-là, c'est quoi? Regarde, j'ai tué une mouche sur mon appareil, non, là, ça marche pas. Ah, ça, c'est très drôle. Tâche de rousseur, c'est comme, mon écran est craqué, tu sais. Mais non, ça marche plus. Non, c'est un poêle. C'est un poêle de chat. Ouais. Ouais. Donc, la lecture, maintenant, avec les enfants, c'est le fun de lire avec ses enfants ou avec ses nièces ou peu importe, en fin de semaine. J'étais chez ma sœur, ma nièce, tout ça, on lisait. Puis là, il y avait un gadget, c'était super cool, qu'ils ont pris au magasin de jouets, là, que t'as des boutons de couleur, puis tu peux choisir le nom du conte. Et il y a des petits logos, des petites formes qui apparaissent comme ça. T'as comme le choix de 10 livres d'une même série. Et là, ça dit, appuie sur le triangle vert, t'appuies dessus, puis là, ça te lit la phrase par rapport au livre et au symbole. C'est super cool. Tu sais, comme ça, t'as pas besoin de lire physiquement à ton enfant. Bref, ça existe, ça. Mais il y a aussi le Spark Up Book Reader qui va vous permettre de lire votre livre, lire un livre à un enfant une fois, et après ça, ça va tout le temps être ta voix qui va jouer. Ah! Hein? Donc, c'est Spark Up pour être présent quand vous ne pouvez pas l'être. C'est un livre magique qui vous permet d'enregistrer votre voix alors que vous lisez le livre, et dans le futur, votre enfant va pouvoir entendre la voix quand ils vont lire le livre. Donc, il y a une caméra. C'est ce qui rend la chose spéciale. Une caméra qui détecte sur quelle page on est en ce moment pour pouvoir jouer l'enregistrement approprié. Donc, ça a 256 MB de place sur l'appareil. Assez pour 250 minutes d'audio ou environ 50 livres. On peut envoyer plusieurs enregistrements du même livre. Donc, par exemple, tu pourrais avoir une version où tu lis le livre et une autre version où tu fais seulement des effets sonores ou des trucs comme ça. Mais ça, est-ce que tu peux le mettre sur n'importe quel livre? Oui, c'est un peu sur n'importe quel livre. Il faut un livre avec des grosses photos, précisément. Okay. Et 7 pouces de large minimum. OK. Donc, tu peux l'utiliser pour plusieurs livres. Ouais, ça vient pas seulement pour avec un livre. C'est ça qui est cool. Oh. Ça fonctionne avec à peu près n'importe quel livre s'il est assez large, au moins à 7 pouces. Bref, livre pour enfants général, générique. Ouais. Un caillou, là, ça fonctionne à merveille. Vous pouvez présentement... En fait, on peut... on peut précommander un Spark Up sur le magasin en ligne. En fait, c'est pas précommandé, c'est juste commandé pour 60 $ américains chaque. Le magasin vend aussi des livres avec les enregistrements audio déjà faits. Voilà. Ah, cool. Précision. Pas si cher que ça. Non. Mais c'est sûr que... faut faire attention, puis peut-être pas non plus remplacer notre présence par ça seulement en cas de nécessité. Exactement. Ah. Tu connais peut-être la chaîne de restaurants indépendants PFK, hein? Vaguement, oui. PFK, ils font du poulet, apparemment, c'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Donc, PFK, qui est une grande chaîne de poulet aux États-Unis et partout dans le monde, en fait. Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, selon l'article, tu sais. PFK, en France, ça s'appelle KFC, hein? Mais au Japon, c'est aussi très, très populaire, KFC. Donc, apparemment, le Japon aime son poulet frit. Et comme promotion, KFC a donc sorti une lignée, une série de périphériques pour ordinateur au Japon, et ça existe pour vrai. C'est un clavier pour commencer avec les touches remplacées par des morceaux en 3D de poulet frit, bien sûr. OK. Imprimé en 3D, pas des vrais poulets frits, on peut pas les manger. Les seules lettres sur le clavier sont, comme vous le voyez sur la photo sur assemblagebriquet.com, le K, le F et Adam, le C. Oui. Ah, maudit. Ah, je t'ai volé les spoilers. Je l'ai deviné. Spoiler alert. Il y a aussi une touche de liqueur. Colonel. Du colonel en tant que tel, un grand seau. Et une boisson gazeuse, voilà. Voilà avec l'ensemble, le clavier. Il y a aussi une souris de la grosseur de morceaux de poulet frit. Ah, yark! Oui, et une clé USB qui ressemble à une... Un pilon? Ouais, c'est ça, un pilon, exact. Ouais. C'est tellement de mauvais goût! C'est pas disponible pour achat en ce moment, et ça va l'être bientôt, ça. Oh, mon Dieu! C'est génial. La clé USB, particulièrement, on dirait qu'elle a l'air tellement vraie. Wow. Oh, c'est malaisant! On passe, maintenant on s'en va à l'international, on prend l'avion un peu, un voyage intercontinental, c'est bien amusant, mais ça fait aussi mal au corps et aux pieds particulièrement. Hein? ça peut être difficile des fois d'être assis aussi longtemps. Ouais. Ouais. Donc, dans ces situations-là, il vous faut le bagage « luggage ». Qui est fait pour contenir la plupart de vos gadgets, votre laptop, tablette, téléphone, peu importe. Et luggage peut faire entrer, peut posséder un laptop jusqu'à 15,6 pouces et ça pèse juste au-dessus de 3 livres environ. C'est aussi un masse-pied avec une surface à angle avec des petites bosses dessus. C'est pas un massageur genre à électricité, ça shakera pas, ça vibrera pas. Tu dois toi-même frotter tes pieds contre ça, mais ça te soulage. Faut que tu bouges. Et non seulement il faut que tu bouges, mais en plus, même pour le prix, pour la fonctionnalité qui est presque non existante, de juste devoir se frotter contre ton sac, on te demande quand même 80$ américains. Aïe aïe! Pour la gadget, moi pour ce prix-là, j'aurais préféré qu'il y ait un petit moteur dedans, au moins. Ouais, c'est peut-être pas bon pour l'ordinateur qui est dedans, par contre. Ah, peut-être pas. C'est un bon point, ça. Et tiens, on va, je crois, terminer là-dessus pour l'instant. C'est le soda valve. Bon, là, on pourrait être sexiste, comme dans l'article ici, et dire « Ah, les femmes dans ma famille ne sont pas capables d'ouvrir les bouteilles de liqueur. » Moi, je trouve que les filles sont parfaitement aptes à ouvrir une bouteille de liqueur, mais ça peut arriver des fois que n'importe qui, gars ou fille, soit incapable d'ouvrir une bouteille de liqueur. Bon, hein? Ça arrive à tous. Ou un enfant, ou une personne âgée qui a des difficultés motrices. Hein? Donc, le soda valve inventé par un designer coréen, In-Joon Yang. Donc, ça ajoute une poignée qui ressemble un peu à un truc pour fermer les bols chaudes. Oui, les bols fontaines. Mais l'eau chaude derrière la sécheuse, la laveuse, oui, comme c'est ça. Vrai. Donc, un petit genre de gouvernail, je pense, de bateau aussi. Ça ressemble à ça un petit peu. Donc, ça ajoute ça sur votre bouchon de liqueur. Donc, c'est plus facile de l'enlever et de le remettre. Hein, ça permet à la bouteille d'être mise bouchon vers le bas. Et ça tient, c'est ça qui est fort, là. C'est qu'après ça, ça tient debout à l'envers et ça empêche au gaz de sortir et à vous apparemment avoir moins de la liqueur flat. Intéressant. Ça ramasse de l'argent sur Indiegogo et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. On demande 10$ environ pour avoir un seul soda valve. Pas valve, valve. Valve. La soda valve, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que je veux vraiment ça pétille, en tout cas. C'est louche. En tout cas, voilà pour cette partie de ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On va passer en pause. C'est comme ça. C'est la vie. Pas trop longtemps, je vous rassure. On va revenir dans quelques instants avec, entre autres, Alexandra Carignan et sa chronique « Le temps d'une culture ». À Assemblage requis, restez là. Fou de matinée extraordinaire. Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. C'est vrai. Au début de l'émission, tantôt, on écoutait une pièce nouvelle entrée du palmarès anglophone. Mm-hmm. C'était un des albums que tu avais écouté pour potentiellement faire un poste d'écoute avec. Et là, c'est déjà entré dans le palmarès, donc tu peux plus les faire. Ben non. Non, il y en a une autre qui a la même idée derrière, en fait. Ben oui, là, j'imagine que tu parles de Valérie Gore. Ouais. Oui, et sa pièce, j'ai écouté plus qu'une pièce. Mais là, je pense qu'on s'en va entendre Amsterdam. En effet, tout de suite, à Assemblage requis, sur C'est fou. We'll be right back. Amsterdam de Valérie Gore. Nouvelle entrée du côté anglophone. Amsterdam, that was good stuff. ça nous ramène à Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais, hein? C'est toujours Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. La chronique des gadgets inutiles achetés sur Internet. Commençons avec du ruban collant pour les enfants. Tantôt, on a parlé pour les enfants de livres de lecture. Oui. C'était bien beau, hein? Mais il aime ça des fois jouer avec des petits cagnons. Des quoi? Des petits cagnons. Des cagnons. Donc, le Play Tape, c'est un ruban adhésif similaire à du ruban adhésif pour les pour peinturer les appartements, entre autres. OK. T'sais, donc, il est autocollant, mais ensuite enlevable facilement. Ben, à moins que tu le laisses là plusieurs jours. On a tous vécu ça, laisser du papier collant vert tout le tour des cadrages. Je te dirais que dans mon ancien appartement, le thé vert est resté au plafond pendant comme 2 ans. Ouais. Là, on s'est dit on pourrait peut-être l'enlever, puis c'était fusionné avec le mur. T'es mis de peinturer par-dessus, je pense, rendu là. Donc, ça ressemble à deux voies de route asphaltée ou encore de rails de chemin de fer. Donc, tu as deux modèles, évidemment. C'est donc du ruban adhésif qu'on peut facilement enlever. Ça colle à n'importe quelle surface sans laisser de résidus. Les enfants peuvent mettre ça sur du plancher flottant, sur même du tapis très, très mince. Là, genre, c'est industriel un peu, là, de sous-sol, des fois, qu'on utilise ça pour ça. Donc, ça n'endommage rien. Ça peut être repositionné quand vous le voulez, environ 3-4 fois avant de commencer à perdre son pouvoir adhésif. J'avoue que c'est vraiment pas tant que ça, mais tu as des roulettes assez longues. Donc, tu pourrais peut-être les laisser là une fois de temps en temps pendant quelques semaines. Ouais, non, c'est ça. Tu peux en mettre ces murs rendus là. C'est ça, tes enfants peuvent aller en voiture sur le mur. T'as tellement raison. J'ai pas pensé à ça. Mais c'est fun, mais tu peux contourner aussi. Tu peux aller peut-être dans la salle de bain, le faire embarquer sur le bain. Tu peux faire des chemins un peu plus fantaisistes qu'avec un tapis de voiture traditionnel. C'est vraiment cool. Donc, les largeurs sont compatibles avec des modèles de train. Donc, très classiques comme Thomas the Tank Engine est compatible avec ça. Melissa and Doug, Ikea, Big Jigs et certains trains Lego. Et l'autre qui est un à la 64, ou un nom, pardon, c'est pas ça l'expression, c'est 1 pour 64, voilà. Donc le Playtime, lui, est compatible avec les jouets populaires comme les Hot Cars de Mattel, Hot Wheels, voyons, Hot Wheels, tout le monde sait c'est quoi, et les Matchbox, pas le groupe de musique. Donc le Playtime est pour 8$ le rouleau, 13$ pour le plus large format, c'est sur Inroad Toys et Amazon, voilà. C'est cool. Très cool. Ensuite, parlons de nourriture un petit peu. Si tu veux ajouter un petit peu de saveur de bière à ta nourriture, c'est difficile de battre Pot Liquor Beer Jelly. C'est disponible en plusieurs saveurs. C'est fait à partir de bières qui viennent de 6 brasseurs du Vermont. Ah? C'est super unique, idéal apparemment avec du fromage pour tartiner sur du pain croûté ou encore pour glacer des viandes, des viandes, tu sais, poulet glacé, etc. Ouais. Comme ça, on appelle ça. C'est même si on appelle ça. Donc, c'est apparemment très, très délicieux. C'est Green Mountain Ale, Apricot Ale et India Pale Ale, entre autres, les sortes de bières. Et c'est fabriqué au Vermont. C'est de la gelée à la bière. Ah, enfin. Oh, je suis certaine que c'est délicieux. Ça a l'air bon. Vraiment. À l'abricot. Abricot. Abricot, oui, clairement, abricot. Vraiment abricot. Ensuite, parlons bébé. Lorsque bébé prend son bain, hein, des fois, on ne veut pas avoir à remplir une baignoire au complet. On veut juste lui faire prendre son bain petit... Non, on veut pas ça ou non, on veut pas... Non, mais on remplit pas un bain pour ça. On remplit pas un bain pour ça. Ben voilà, des fois, on peut le faire dans l'évier, entre autres, faire le bain du bébé. Ben oui. Donc ici, c'est le Naked Two Position Collapsible Baby Bathtub de la compagnie Boone qui se plie. Un peu comme des bas dont on a parlé qui se pliaient sur eux-mêmes. Oui, oui, ma passoire. Ta passoire. Non, passoire. Soit j'ai mal à la tête. Donc, si votre enfant est trop jeune pour s'asseoir, donc vous allez pouvoir partiellement ouvrir le bain pour que bébé accote sa tête et que sa tête ne soit pas dans l'eau. Pour les enfants plus vieux qui peuvent s'asseoir, on peut ouvrir complètement le bain. Il y a même un drain en bas pour rendre le nettoyage facile. Ça va être moins une corvée de faire prendre son bain. Donc, le Naked Two Position Collapsible Baby Bathtub est disponible en vert. Un genre de vert olive. Un genre de bleu. Et un genre de rose pour 70$ de la part de chez Boone. On peut aussi le trouver en magasin chez Amazon qui a un modèle rouge et orange. Et chez Babies R Us qui a le modèle bleu. Voilà. Oh! C'est cool, hein? Comme une passoire. Ouais, allez. Génial. Très bonne idée. Mais faire attention pour que notre bébé passe dans les trous. C'est ça, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Mais ça peut être pratique. Tu sais, des fois, si tu veux juste comme l'égoutter sans le... Si tu veux le faire cuire. Un petit bain-marie. Le bébé est al dente. Ah, le bébé. Ensuite, votre chargeur d'iPhone est peut-être cool. Mais il n'est pas aussi cool que celui-là, parce que celui-là, c'est le même chargeur qu'utiliserait MacGyver, parce qu'il est tellement rempli de débrouillardise. Oh, oh, oh. C'est un petit chargeur. D'habitude, un chargeur, c'est gros. Tu sais, mettons une batterie. Tu peux acheter, mettons, une batterie de backup, de spare, une batterie additionnelle. Bon, peut-être pas pour ton iPhone, parce que les autres ne croient pas à ça, changer la batterie à ce moment-là. Non. Mais tu peux quand même acheter une batterie qui est à l'extérieur ou un étui batterie, puis ça devient lourd. Le Oivo, c'est le plus petit chargeur sur la route, on the go, sur le pouce. C'est un projet Kickstarter actif en ce moment. C'est un petit chargeur qu'on peut mettre sur son porte-clés. Si on le défait, en fait, on l'étire, on le sépare, on ajoute 4 piles 2A, tu sais, qu'on peut trouver à peu près partout, des piles 2A. Hein? Ça, c'est des 3A, ça? Ah non, c'est des 2A. Les 2A les plus grosses. J'aurais préféré les 3A, en effet, j'aurais trouvé ça plus pratique, des 3A. Mais y a personne que ça. Non, j'avoue, c'est pour ça sûrement qu'ils l'ont fait avec des 2A, parce que c'est plus facile à trouver. Mais en même temps, des 3A, c'est plus petit. Hein? Plus petit. Mais bref, donc, on sépare ça, on ajoute 4 batteries 2A, on branche son iPhone dans le port Lightning du Ovio et on charge son téléphone et on peut même utiliser l'iPhone pendant qu'il charge. Lorsque les batteries sont à plat, on peut les remplacer avec d'autres batteries 2A. Le Oivo, est tellement petit qu'on peut le garder sur son porte-clés comme en cas. Parce que les piles 2A sont super simples à trouver dans la vie d'habitude. Donc le Oivo qui cherche de l'argent en ce moment sur Kickstarter. C'est Kickstarter. C'est le Smallest Charger on the go for iPhone sur Kickstarter. Voilà. Ouais, c'est approuvé par Apple. Excuse-moi. Mais c'est pratique de traîner le petit porte-clés, mais tu trouves tes piles où? Ben, c'est ce que je me disais aussi. Il me semble que 4, c'est peut-être trop. 2, c'est plus facile, c'est de prendre une batterie, les deux batteries de ta télécommande, de TV, mettons. Ça peut aller, tu sais. Oui, mais je veux dire, t'en as pas besoin, t'es chez vous. Ouais. Tu as ton fil. Mais si t'es sur la route ou que tu te promènes. Au bureau, ouais. Ben, il faut que tu trouves des piles. C'est, ça sert à rien que le chargeur soit petit si tu dois traîner des piles ou en chercher. Moi, je pense que ça me conviendrait pas comme gadget. Moi non plus. Je préfère à la place commander des fils de différentes longueurs. Tu sais, chez Apple, entre autres. Évidemment, moi, je suis du côté Apple. Jugez-moi pas trop longtemps, s'il vous plaît. Mais je suis tellement tanné de ça. Je suis tellement tanné de cette guerre-là. Ça m'écœure. Ça comme... Mais j'allais dire qu'il y a des fils de 1 mètre, de 2 mètres et d'un demi-mètre chez Apple. Lightning. OK. Donc, facilement, pour le bureau, je vais me transporter un fil de 0,5 mètre dans ma poche. Et ça prend pas même plus de place. Mais non. Non, un mètre. Un petit fil. Je trouve ça parfait. Un fil. Pas besoin de plus. Ben oui. Ben d'accord. Bon. Ensuite, des graffitis avec de l'encre effaçable. Tu sais, des encres effaçables comme sur un tableau blanc. Ouais. Bien sûr, un tableau blanc au bureau, par exemple. Vous pourriez peut-être faire des graffitis au bureau et rendre la chose plus divertissante. Une réunion, ça pourrait être le fun de peinturer avec une canette. Donc, pour faire passer vos idées lors de remue-ménage. Faut que tu fasses le ménage après. C'est ça. Bien évidemment, vous allez devoir faire le ménage. Ah, bye. Et effacer ce que vous avez fait sur le tableau blanc. Bref, c'est un marqueur qui s'efface à sec. Mettre dans une canne d'aérosol. Vous avez besoin donc d'un tableau blanc, d'une fenêtre ou d'une surface vitrée et tout va bien. Rien de besoin de plus. Quand vous êtes terminé, vous prenez une photo peut-être pour vous en souvenir parce qu'après ça, vous effacez le tout et ça repart à zéro. C'est disponible en ligne pour 10$ le Depth Spray. Ça pourrait être bien pour ces fous qui ont des bureaux vitrés. Oui. Hein, ça pourrait être agréable de faire des graffitis là-dedans. On pourrait enlever notre vieux logo qui est encore là en ce moment après ces 2 mois. Et puis juste le dessiner. Pas trop difficile à dessiner, hein, Adam? Donc faites le petit logo de ces fous. Ça va être super cute. Ensuite, allons-y avec... ça, je trouve que c'est du génie. On a parlé de batterie tantôt, celui-là, c'est une encore meilleure idée. C'est un Power Surge Protector, mais avec une batterie portative. Donc, Pickup Power est un Surge Protector, donc une barre pour brancher des appareils dessus, mais avec à l'intérieur une batterie portable. Quand t'es à la maison, au bureau, à l'hôtel, peu importe, t'es proche d'une prise, tu branches la Power Bar dedans, tu peux utiliser les 3 prises pour brancher ton ordinateur et tes autres gadgets. Mais quand t'as besoin d'électricité sur la route, hein, t'as juste à appuyer sur le bouton de la batterie, éjecter la batterie, hein, et partir avec... pour faire fonctionner votre caméra, votre tablette, peu importe. Vous avez une batterie de 4000 mAh avec un port USB qui est prêt pour faire charger vos gadgets un peu n'importe où. Même qu'il y a 2 ports USB voilà, pour charger 2 choses en même temps sur cette petite brique blanche, très, très minimaliste, très, très jolie. Et ça ne demande pas de cordon, de fil, absolument rien. Ça reste sur le bureau, facile à utiliser. Ensuite, vous le remettez dans la power bar et ça recharge la batterie en tant que telle. C'est par Quirky, une de mes compagnies préférées pour les innovations de gadgets en ce moment. Quirky. C'est parfait, ça. On peut pas demander mieux. Ensuite, continuons avec une paire de lunettes pour vous aider à jouer plus longtemps. On me dit que les fans de World of Warcraft peuvent passer des dizaines et des dizaines d'heures de suite sur l'ordinateur à jouer à World of Warcraft. On me dit ça, j'ai entendu dire que... J'ai entendu dire ça moi aussi. De très très proche, de première source, de source sûre. Donc, first person shooter, c'est bien le fun, ça devient assez obsessif ou obsédant, mais ça fait mal aux yeux. Hein? C'est la prémisse derrière les Demon Series Glasses et d'autres lunettes qui lui ressemblent. En fait, c'est des lumières qui bloquent, c'est des lunettes qui bloquent la lumière bleue qui est émise par les écrans et qui cause la fatigue oculaire. Donc, les lunettes de la série Demon peuvent aider à améliorer le contraste et la clarté lorsque vous jouez à des jeux vidéo sur votre ordinateur. Et elles sont légères, et les vitres sont garnies d'une certaine résine, coated. Il y a une résine dessus, la vitre, voilà. Donc, à 20$ chez No Scope Glasses. On peut les acheter, ça vient avec un petit étui et une microfibre pour tout nettoyer ça gratuitement. Je sais pas, je pense que je serais plus du genre à rire de mon chum s'il mettait ça pour vous plaire. Y aurait-tu l'air d'un maudit douchebag avec ça, hein, pour vrai? c'est pour jouer à des jeux vidéo là, de geek, est-ce qu'on peut faire des lunettes qui ont pas l'air de lunettes de douchebag achetées genre chez Oakley à 400$, là, s'il vous plaît? Hein? Ça, c'est vrai que le look est peut-être pas... Je sais pas, en tout cas. Tu sais, c'est genre, check mes pipes, comme dans regarde mes tuyaux dans Mario, sont vraiment hot, là, tu sais. Tu sais, mettons, là. C'est l'exemple qui me vient. Mais je trouve ça quand même très drôle. C'est pour les jeux first-person shooters. Ouais. Donc, pour les FPS, les lunettes, ça protège. Tu sais, c'est pas pour. C'est pas comme un truc FPS. Ou encore, c'est pas les lunettes parfaites pour ton professeur de formation personnelle sociale. Ah, oh, le cours qui existe plus depuis 98, genre. Genre, mettons, c'est juste pour lui que ça existe, les lunettes de FPS. Bon. Pour les nostalgiques. Ou les nostalgiques. Ou les nostalgeeks. Là, on pourrait faire plein d'autres blagues. Je pense que c'est le segment où on faisait des blagues dans la chronique. C'était ouais. Cool. C'était un bon moment. On a du pris ça en note, là? Non, il est quelle heure? 8h25, c'est ça? Ah. As-tu un crayon? Ouais. Ensuite, continuons avec... aujourd'hui, les sites chargent mal. Vous me pardonnerez le délai dans mon expression orale ici et mes genoux qui shake comme dans les cours d'expression orale. Ouais. C'est un gigantesque Jenga. On aime tous le jeu Jenga, c'est simple. C'est le jeu avec des bâtons de bois qu'on doit enlever un à un jusqu'à temps que la tour tombe. Donc, c'est la Towering Toppling Timbers Game. Patent truc que j'essayais de rendre féminin parce que finalement, c'était masculin. J'aurais dû dire le... donc, ça amène le jeu à un tout nouveau niveau, en fait, un tout nouvel étage, si on veut. Chaque morceau est 3 fois plus gros qu'un morceau de Jenga normal et la tour elle-même fait 2 pieds de haut au départ. Tu enlèves les morceaux de façon très minutieuse. Tu les places sur le dessus de la tour. Là, c'est le principe du jeu. On remet les blocs en haut. Ça peut faire une tour jusqu'à 4 pieds de haut si tu as l'habileté, la capacité à le faire. C'est parfait pour l'intérieur et l'extérieur. C'est 54 morceaux de bois solide qui entrent dans un grand sac qu'on tient à l'épaule pour être plus portatif. Ça pèse 38 livres. Donc, c'est à peu près le poids, nous dit-on dans l'article, d'un gros enfant. Et c'est plus durable et ça pleure moins. J'avais pas lu celle-là. Je suis rendu aux articles que d'habitude, je ferais pas parce qu'on aurait d'autres chroniqueurs. Mettons, exemple, peut-être, style genre. Mais je le trouve très drôle. Oui, c'est très drôle. Mais moi, je comprends pas la nécessité de préciser que c'est bon pour l'intérieur et l'extérieur. Par exemple, il y a des choses, t'as pas besoin de le préciser. Tu vois? C'est un jeu de cartes, t'as pas besoin de dire que tu peux jouer dehors. Tu joues dehors si tu veux. Quand je lis les articles à l'avance, d'habitude, c'est des bouts que j'aurais sautés, tu sais. Genre, pour vrai, je l'aurais pas dit d'habitude. Mais bref, c'est parfait pour un pique-nique, dans la cour, en camping, jour de pluie, jour au soleil. Tu vois, ça aussi, c'est très important de le préciser. Mais oui. Voilà, c'est pour l'instant tout. Pour ça, ça devrait pas en là. C'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera Marie-Laurence Audet qui vient avec sa chronique loisir. Ah! Tout à fait. Retrouvez le lien sur assemblageriki.com dans quelques minutes. Ben, en fait, ils sont déjà là, donc allez-y maintenant. Mais non, il n'y a plus d'émission jusqu'à la fin. Ouais. Fin de demain. Tout ça de demain. Ben oui. On s'en va entendre une nouvelle entrée du palmarès francophone. Stéphanie, c'est Bernary. Oui, avec la pièce Saga. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, mais ça gare bien. Ça gare bien. Ça gare bien. Sinon, est-ce qu'on prend une pause? On va aller fumer un cigare. Un cigare. Non. Trouve-en un autre. Je te donne une autre chance. Écris, mais avant qu'il commence après, après la tune, après la tune. Okay.

Foutu palmarès, c'est la chronique où on a tenu une liste sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, on retourne en arrière pas mal. C'est comme un genre de... Les éphémérides de Paul. C'est comme dans rock classique, mais version musique poche. Hein? Oui. On retourne en arrière à la première édition de Now That's What I Call Music. Oh mon Dieu, c'est en quelle année ça? C'était en 98. Tu te rappelles de cette compilation de musique pop avec tous les grands succès du moment qui sont là, tu sais, un peu comme Much Dance et... plus, je sais pas quoi, qu'il y avait en français Much Dance plus music, whatever. Etc. Édition extra jambon. Là. Ben, bref, il y a une version américaine de ça. Et on célèbre le 15e anniversaire, le 27 octobre 98. C'est bientôt. Virgin Records sortait la première version américaine de Now That's What I Call Music. Il n'y avait pas de 1, évidemment, parce que c'était le premier de la gamme. Là. On savait pas qu'il y en aurait 50. En fait, c'est la 50e édition qui est sortie cette semaine. La 50e édition. Ils en sortent encore? Ils en sortent plusieurs par année. On est rendu à 50 depuis 15 ans. Hein? 50. Oh oui, j'ai vraiment confirmé que c'est la 50e édition donc. En ce moment. Qui c'est qui achète ça? Bref, je sais pas, mais ça existe encore. Donc, c'est ça, on va retourner en arrière un petit peu pour regarder ce qu'on avait sur notre lecteur MP3. Ou en fait, je pense que 98, c'était sûrement un lecteur cassette, c'est ça? Ben, 98, il devait avoir des CD, 98. Oui, il y avait des CD aussi. Oui. Mais sûr que c'est sorti en cassette, d'après moi. Aussi, pas mal sûr. Ah, ben, ça, c'est sûr. Donc, c'est comme une machine à remonter dans le temps. On va commencer avec Janet Jackson. Together Again, qui est un succès à ce moment-là. Il y a toute une historique de chacune de ces pièces-là. J'ai pas envie d'en parler, j'ai juste envie qu'on se rappelle de qu'est-ce qu'il y avait en 98 dans la musique. T'sais. Ben oui, c'est en masse. C'est le troisième single, en fait, de son sixième album, Velvet Rope. Ensuite, en deuxième, c'est Backstreet Boys. Woohoo! As Long As You Love Me. Deuxième single de leur album, premier album américain, qui a commencé au numéro 4 sur le Billboard Hot 100. Ça a solidifié leur place dans l'histoire de la musique. Ensuite, un illustre inconnu maintenant, Fastball avec The Way. Ah. Ben ouais, je connais pas. Évidemment, on ne fera pas jouer les chansons. Non, je m'excuse. Ça. C'est sûr que tu connais cette chanson-là. Probablement. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien fait d'autre. Aha. Mais ben, c'est sûr que tu connais ça. En fait, maintenant, parce que j'ai les « dans le temps » et les « maintenant » sur l'article. J'ai dit, j'ai pas vraiment envie d'en parler tant que ça, mais maintenant... pour la formation Fastball. Ils viennent de terminer une tournée estivale en ouverture du groupe Smash Mouth. Mon Dieu, c'est... ce que ça dit? Sugar Ray et Gin Blossoms en petite tournée. J'imagine que c'était une tournée flashback des années 90, d'après moi. Ils ont 1759 likes Facebook. C'est tellement peu. C'est plus qu'assemblage requis, mais oui, c'est beaucoup, beaucoup. Non, mais on s'entend. Ensuite, Harvey Danger avec Flagpole Sitta. Ah ben oui. Sur l'album Where Have All the Merrymakers Gone. C'est vendu à plus de 500 000 copies. Harvey Danger s'est officiellement séparé en 2009. Ouais, ça aussi, c'est un One Hit Wonder, si je ne m'abuse. Tellement. Les Spice Girls avec Say You'll Be There. L'aimais tellement. Leur premier album qui a vendu 23 millions de copies. Le meilleur vendeur par un groupe de femmes dans l'histoire de la musique. Et ben, ensuite, ils ont fait une performance aux Olympiques de 2012. Ensuite, Casey and JoJo avec All My Life. C'est la chanson numéro 1 sur le Billboard Hot 100 pendant 3 semaines. Ils ont été artistes invités sur le succès de Tupac, How Do You Want It? Ils ont été nominés pour, 2 Grammys. À la fin de l'album du mois de septembre, je pense que c'est de l'année passée. Ils ont sorti l'album My Brother's Keeper, premier album en 11. All Saints. Oh mon Dieu! Avec Never Ever. Ouais. C'est sorti un an après la formation du groupe. Leur premier album a généré 4 succès du top 10. Ensuite, Tonic avec If You Could Only See. Ça me dit rien. Moi non plus. Non. C'est devenu numéro 1 sur le mainstream rock de Billboard. Leur dernier album nommé Tonic est sorti en 2010. Ouais. Ensuite, en 9e, Hanson. Oh, wow. Avec Mbop. Leur premier album a vendu plus de 12 millions de copies dans le temps où les frères Isaac Taylor et Zach Hanson avaient 16 ans, 14 ans et 11 ans. Hanson a lancé une bière qui s'appelle M-Hops au mois de mai, je crois 2013. Voilà. Leur plus récent album en direct, Live Anthem, est sorti en juin 2013 sur leur étiquette 3CG. Voilà. Ensuite, Cherry Poppin' Daddies. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ça, c'est pas mauvais, par contre. Ça me dit rien. Probablement, je connais la pièce, mais de nom, je sais pas c'est quoi. C'est du genre de... comment t'appelles ça? Du swing, genre. Swing, big band, un petit peu. Donc, ils ont essayé plusieurs styles, le funk, ska, swing, mais ils ont eu un succès avec cette chanson-là. Et puis maintenant, Cherry Poppin' Daddies a sorti l'album White Teeth Black Tots au mois de juillet 2013. Et puis, ils ont fait une tournée de clubs, casinos et petits endroits comme ça. Ensuite, Imagine avec Shorty, You Keep Playing With My Mind. Okay, c'est un groupe de R&B, apparemment. Ils sont séparés après leur premier album. Brian McKnight avec Anytime. Ça me dit rien non plus? Non. Depuis Now One, Brian McKnight a sorti 13 albums, tous plus pop les uns que les autres. Ensuite, évidemment, c'est là on rappelle qu'on parle des groupes de 1998 sur la compilation Now That's What I Call Music One. Hein, qu'on appelle rétroactivement One. Aqua avec Barbie Girl. Ben oui. Évidemment, vendu à 33 millions d'exemplaires en album et en single. C'est un des groupes scandinaves qui ont vendu le mieux jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'est le seul, en fait. J'ai l'album. Pas juste le single, l'album au complet. Non, j'ai l'album. Wow, t'es hot. Aqua s'est séparé en 2001, ça veut dire ça? C'est triste. Ouais. Radiohead. Avec Karma Police, c'était là-dessus. Ben oui. Incroyable, parce que c'est pas un groupe qu'on dirait... Parce que ça, c'est de la bonne musique. C'est ça, on appellerait pas ça traditionnellement commercial ou pop, Radiohead, mais Karma Police, c'était là, la chanson sur leur troisième album, OK Computer, qui s'est vendue à plus de 4 à 5 millions de copies jusqu'à maintenant. C'est considéré comme un album les plus reconnus, les plus estimés des années 90. Thom Yorke, qu'on sait, reste dans le domaine de la musique. Il est sorti en 2011, King of Limbs, qui est entré sur le Billboard 200 au numéro 6. Et puis c'est le vinyle qui s'est le mieux vendu en 2011. Ensuite, Everclear avec I Will Buy You a New Life. Non? Aucune idée. L'album So Much for the Afterglow s'est vendu à 2 millions de copies. Le single s'est rendu au numéro 31 du top 40. Art Lexicus, le chanteur et membre fondateur du groupe, participe toujours dans le domaine musical, travaille sur des projets solo, est en tournée avec Everclear. Voilà. Ensuite, Lenny Kravitz avec Fly Away. Ben oui. Ben bien sûr, numéro 12 sur le Billboard Hot 100, c'est là que ça a fait son entrée. C'était dans la trame sonore, sur la trame sonore du film Coyote Ugly. Son plus récent album Black and White America est sorti en 2011 et depuis ce temps-là, il est plus visible comme acteur. Il joue dans The Butler et The Hunger Games, je sais pas. Ben oui. Marcy Playground avec Sex and Candy. Marcy Playground, aussi vétéran des palmarès, c'est fou. Même très récemment, ils ont été dans le palmarès, peut-être pas très, mais récemment, dans les dernières années. Sur l'album Sex and Candy, en fait, l'extrait le plus récent était sur Sex and Candy, ici dans les palmarès, c'est fou. C'est-tu bien ça? Non, pardon, je m'excuse, on revient en arrière. C'est leur album qui était dans la trame sonore, dans Now That's What I Call Music, qui était sur l'album Sex and Candy. C'était le nom de la pièce aussi. Ça a passé 15 semaines au numéro 1 du Billboard Modern Rock Tracks. Et puis, c'est arrivé au numéro 8 du Billboard Hot 100. Sex and Candy était donc leur seul succès majeur commercial pour Marcy Playground. Mais ça a eu une longue vie après ça. On l'a entendu dans True Blood, Zach and Mary Make a Porno et Workaholics depuis les 5 dernières années. Ah donc, ouais? Je dois savoir c'est quoi d'abord. Sûrement, si on écoutait des extraits, si on jouait de la radio, de la musique commerciale, on ferait jouer ça. Mais allez les écouter vous-même. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas notre job, même que c'est probablement pas notre job de parler de ce qu'on vient de parler là. Mais moi, je trouvais ça intéressant quand même. Donc, c'était un petit retour en arrière sur la première compilation Now That's What I Call Music en 98. Mais oui, parce que souvent, on a plein de pièces dans notre tête, on sait pas trop de quand ça date. C'est bien de voir un peu de tout, de ce qui est arrivé en même temps dans différents artistes. Parce que des fois, ça, c'est un peu mélangé là, dans nos têtes. Exact, c'est de la culture générale. Bon, donc voilà pour cette portion de son foutu palmarès. On prend quelques instants de pause, on va aller méditer un peu sur tout ça, peut-être aller chercher les extraits des meilleures pièces sur YouTube. Non, c'est pas vrai. du tout. Pendant qu'on prend une petite pause et après ça, c'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Restez là. Non, hier, j'ai chanté dessus, c'était un flop. Ah, OK. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Mathieu Plante. Stéphanie Paradis. Ce sont nos noms. Steph, pendant la pause, behind the scenes, oui. Je t'ai dit que j'allais te surprendre avec quelque chose. Ah, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, ça te stresse, t'aimes pas ça savoir à l'avance? Non, je voudrais juste pas savoir qu'il va arriver comme quoi que ce soit d'inattendu. Même si t'es à une minute de distance? C'est encore plus horrible. C'est encore plus horrible. Arrête de m'imiter de même. Ouais. C'est, on dirait, une de mes seules imitations. T'as deux imitations, la féminine et la masculine. peux pas savoir à l'avance. C'est les deux imitations que je fais dans la vie. C'est mon répertoire qu'on appelle. Oui, très large gamme, très extrémiste, mais à la fois très restreint. Très restreint, mais très drôle. Attachant, merci, c'est le mot que je cherchais. Non, je voulais te surprendre aujourd'hui parce qu'on avait dit qu'on ferait le poste d'écoute. J'avais dit que j'avais un album déjà de prévu à mettre là-dedans. D'habitude, tu fais le poste d'écoute le mercredi à 9h. Ouais. Là, tu vas le faire demain à la place, jeudi. Aujourd'hui, on va faire un poste d'écoute spécial, mais à la place de le faire sous la formule qu'on connaît du poste d'écoute, tout le monde connaît la formule où on présente le poste d'écoute avec un album dedans. À la place, je me suis dit qu'on va le faire de cette façon-là. Attention, allons-y. Go. L'album. Présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui m'ont... Un bio? Si! Ouah! C'est l'album de la semaine en hommage à Danny Janvier qui anime le Dîner de con. Vous le savez, depuis des années, on l'entend à perpétuité faire sa bière de la semaine. On s'est inspiré de ça en faisant la collation de la semaine, la bouffe de la semaine. La grignotine de la semaine. Peu importe, de la semaine. On a toujours vraiment aimé ça. Et cette formule-là est tellement gagnante que si Danny Janvier sort un nouvel album, on va probablement lui dédier l'album de la semaine juste ben à lui. Je pense que ce serait logique. Donc, on va faire comme si c'était un produit qu'on a entre nos mains et qui n'est, attention, je l'ai gardé juste pour ça, en fait, je ne l'ai pas dit, mais il n'est pas déballé. Oh! Quoi? Oh! Donc, on va pouvoir se déballer le nouvel album de Danny Janvier, alias Bio Bazar, qui vient d'être nominé pour la deuxième fois pour un prix à la disque. Hier, ça s'est passé live devant mes yeux sur Facebook que j'ai vu passer cette nouvelle-là. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais évidemment, on va devoir, pour commencer, décrire le look de la chose. Est-ce que tu veux qu'on décrive chacun notre côté, peut-être? C'est pas possible. Ah, OK, oui. Pour faire vraiment un travail collaboratif. Visuellement parlant, l'album est évidemment super beau. C'est Danny Janvier, ils connaissent ce qu'il fait. Commence par le devant, là. Tu veux, je commence par le devant? Ben oui. Donc, sur le devant, on retrouve des photos prises par, je crois, Danny Janvier lui-même. C'est sûr que là, on l'a pas déballé, donc on sait pas les photos sont de qui, mais étant donné que Danny est photographe lui-même, professionnel, d'après moi, ce sont toutes des photos qu'il a prises lui-même. On voit dans le premier carré, c'est divisé en grilles de tic-tac-toe, 3 carrés par 3 carrés. Donc, à gauche, en haut, c'est un champignon sur du gazon avec un effet un peu maquette, si on veut. Ensuite, en haut au milieu, c'est, je crois, une aile d'avion, sûrement pour nous transporter, nous faire voyager musicalement. En haut à droite, une jeune femme qu'on voit vue de haut, un petit peu en noir et blanc avec des lunettes de soleil. Ensuite, au milieu à gauche, on voit un coquillage sur ce qui m'a l'air d'être un sol craqué. Donc, j'imagine que c'est de l'argile ou peut-être de la terre craquée. Au milieu de tout ça, je remarque pas vraiment ce que c'est, à moins que ce soit un clavier. Je crois que c'est un clavier avec des notes noires et des boutons de modification des notes, je crois. Raciste. Un comment? Raciste. Raciste. Dans le milieu à droite, c'est Danny de façon très subtile qui insère le haut de son visage à partir du dessous de son nez jusqu'au milieu de son front. Donc, on voit ses cheveux et ses lunettes de soleil avec, je crois, la plage dedans. D'après moi, c'est lors de son voyage outre-mer. Mais tu sais, là, on ne fait que des suppositions. En bas, à gauche, on voit encore d'autres boutons de, je sais pas, c'est de console ou d'appareil électronique, peu importe avec lesquels il fait de la musique. Dans le milieu, c'est difficile à dire si c'est un arbre, des branches ou peut-être... des fois, ça pourrait être... ça dirait peut-être de la pluie, mais tu sais, de loin, c'est difficile à voir. Il faudrait vraiment que j'explore plus. Je crois que c'est des branches. Et en bas à droite, c'est un clavier où j'imagine qu'il y a un nom plus précis pour ça, mais vu d'un petit peu plus loin, avec des touches dessus. Évidemment, le logo Vitaphone, c'est le nom de l'album, par Bio Bazar, qui est écrit en plus petit en dessous. C'est sur une cible, et le logo de Vitaphone est en forme de triangle qui mène vers une flèche qui pointe le centre de la cible. Est-ce que c'est bien décrit? Bien assez décrit, je pense. Hein? Ouais. Pas pire. Ouais. L'image du milieu, finalement, selon toi, ben en bas? C'est ça que je regarde. Branches ça et feuilles. Ça semble être des branches, oui. C'est ce qu'on croit. Mais bon, c'est fait pour être visuellement beau, c'est pas fait pour être suranalysé par la chronique célèbre L'album de la semaine. Non, c'est ça. Qu'on fait pour la première fois. Écoute, À l'arrière, qu'est-ce qu'on voit? C'est plus simple, parce que je voulais te donner le devant, parce que le derrière est un petit peu plus simple à l'écran. Ben oui, mais on a encore en haut à gauche le logo de Vitaphone par Bio Bazar. Bien entendu, on a les titres des pièces, hein? Open Your Mind, T'es d'après-midi de janvier, Docteur Lambiant, 4h20, pur, chronique akashique. Ouais, ça ressemble à ça. Another Day in Pointe du Lac, Hope et Happy Apple. Hein? Hope et Happy Apple, oh, c'est drôle. Bien sûr, on a le petit logo Bio Bazar avec l'orignal ou le chevreuil ou le cerf. Caribou, peut-être, caribou. Même. En tout cas, un animal avec des bois. Mm-hmm. Mais je suis pas très bonne dans tout ce qui est faune. Non, c'est ça, c'est pas notre spécialité, hein? Non, bien entendu. On a aussi... Vitaphone aurait été un drôle de nom d'album aussi. Ça avait été plus animalier, ça avait des bruits de caribou. Vitaphone, au lieu de Vitaphone. C'est meilleur F-A-U-N. Comme... Ah, Vitaphone! Comme ils font des phares. Ah, d'accord. Ouais. Ah, on a l'adresse du site internet, hein, biobazar.ca, facebook.com/biobazar, dannyjanvier.com, produit réalisé par Danny Janvier en terre fertile du Québec 2014. Voilà, ça c'est le derrière du CD. Tout ça est en pochette mince, donc format facile à insérer un petit peu dans n'importe quel cartable à CD dans votre voiture. Ou c'est pas une boîte, ça prend pas de place. Oh mon Dieu, on peut le traîner partout. Absolument partout. Donc je pense que maintenant qu'on a décrit le visuel de la pochette extérieure, on veut pouvoir décrire le visuel de l'intérieur, comme on le ferait avec un bon biscuit ou peu importe dans notre chronique La Bouffe de la semaine. Donc Stéphanie, le micro magique nous attend. Il a pris un congé depuis quelques temps. Il est là pour nous, pour déballer l'album Vitaphone de Bio Bazar. Attention, je baisse la trame. Je suis prête et je me lance. Oh! Ah oui. Ah, et la pochette n'a pas collé. T'as vu, la pochette de plastique n'a pas collé à la pochette de carton, ce qui arrive des fois avec un emballage comme celui-là, où la languette collante vient coller sur le reste, on aime moins. Là, c'était magique. Est-ce que le CD qui sort de la pochette de carton, on n'entendra pas, hein? Malheureusement. On peut l'essayer, mais... Ah oui. On veut pas graffiner, mais... Ah oui. Un morceau de plastique avec de la musique dessus, on... Ça, là, c'est satisfaisant. Oh, regarde le CD. Oh, mais ben, il a mis des détails là-dessus, des détails, le plus de détails. Des détails sur son CD, c'est intéressant, j'aime ça. C'est intéressant parce qu'il fait même... Je viens de voir ce que tu pointes, OK? Oui. Il fait même une petite fleur, hein, de ses chroniqueurs au dîner de con, Fader, Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Il y a le mot Fader sur son CD, en effet. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit d'autre? Tiens, vu que tu as fait le derrière qui était moins détaillé, tu peux faire le CD au complet. Détaille-moi ça. Ah, écoute, il y a beaucoup trop de choses pour moi là-dessus. Écoute, on voit des imprimés un peu... comment je pourrais dire ça? Dactylo, style un peu en creux, ouais, genre. C'est ça. Je me demande si c'est inspiré par quelque chose. Sûrement que la référence pour lui est très évidente. Nous, on connaît pas la référence de qu'est-ce que c'est supposé représenter. C'est sûrement le copiage de peut-être une étiquette de vinyle ou quelque chose comme ça. Oui, on a aussi un petit calendrier avec des chiffres qui ont été raturés. Peut-être des emprunts de l'album ou quelque chose comme ça. Le nombre de fois joué, c'est écrit le nombre de fois joué, hein, je crois. Ça semble être comme un paquet qu'on envoie par la poste, okay, mais okay. Vintage. Hein, on dit que c'est inspecté par la signature de Danny Janvier, oh, wow, avec la date 3 mai 2014. Hein, très intéressant. Bien sûr. Très vintage, très beau. C'est l'album Vitaphone de Bio Bazar. Oui, c'est beau de tous les côtés. Il a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Ben oui, de l'autre côté, je vois comme ma face avec des reflets de toutes sortes de couleurs. Regarde. Ah oui, ben c'est ça, ben ressemble l'autre côté du CD. Ça ressemble à quelques CD que j'ai déjà vus, hein, qui reflètent la lumière comme ça. C'est la nouvelle technologie, en fait, le CD. C'est un raccourci, en fait, pour compact disque. Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, les jeunes. Là. C'est ça. Donc, je le mets dans le lecteur tout de suite, mais on va pas lire avant. En fait, on va continuer de lire un petit peu sur son Facebook. Il dit, et je cite, là, c'est une citation directement de Danny Janvier lui-même. Et je cite, « Cool! » OK, ça commence bien. Une deuxième nomination pour Bio Bazar et Vitaphone. Il est dit, et là, il est super sur un ton pessimiste. Eh bien, je sais déjà qu'il va gagner, tu sais, être contre Mister Valère, mais bon, c'est le fun pareil. Tu sais? Oh. C'est Danny, de son côté, humble. comme ça. C'est pas le seul artiste local, nous dit-on sur son Facebook. En fait, quelqu'un a posté sur son Facebook que d'autres artistes de la Mauricie et du Centre du Québec, il faut quand même féliciter, même si on parle de Danny Janvier. Mais pour le prochain gala de la disque en nomination sont Valérie Carpentier, Carin, Les Trois Accords, Brigitte Boisjoli, Antoine Corriveau, Cire Pathétique, Danny Janvier, Antoine Barret, Valérie Milo, Georges Jamel, Les Tireux de Roche, Mrs. Satchmo, l'OSTR, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières et la salle Léopold Terrien de Drummondville. Donc c'est un bon échantillonnage. Mais ouais, quand même. De culture trifluvienne. De Mauricienne, faut dire. C'est plus large que juste Trois-Rivières. Centre du Québec. Moi aussi, Centre du Québec. C'est la région. C'est pour ça qu'il y a plus de noms. Ça avait été juste Trois-Rivières, là, je pense que ce serait. C'est Pathétique, Danny Janvier. Les autres, je sais pas. Je connais pas. Aucune idée. Donc, on va faire comme dans la vieille formule du poste d'écoute, étant donné que c'est qu'on l'écoute pour la première fois. Donc, on doit y aller avec les premières pièces. Je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Pour commencer, allons-y avec Open Your Mind. Oui, ça va nous préparer à entendre le reste de l'album. Et donc, évidemment, comme on le fait dans la bouffe de la semaine, parce que vous savez, c'est l'album de la semaine, hein, c'est une chronique spéciale, on va ouvrir nos oreilles, tendre la langue pour licher le CD. Pas mauvais, hein? Oui, si ça pince les joues un peu. C'est comme à la fois acidulé et sucré. Ça goûte Danny Janvier. Hein? T'as déjà pris une lichette de Danny? Ouais, sur un bâton. À l'expo. C'était un Roll Dog ou Danny Janvier, je me suis dit. Danny Janvier. Ben, tu sais. C'est ça. Danny Janvier pané. Hey, bonne écoute, oui. La pièce 4h20 par Bio Bazar sur l'album Vita Fun dans La Bouffe. Non, non, l'album de la semaine. Mais oui, à pas se tromper là, quand même. Alors, on a entendu la pièce qui apparemment est la plus ambiante de l'album, c'est Open Your Mind. C'est la première, celle qui ouvre le CD. D'ailleurs, quelques petites informations sur Bio Bazar via son Bandcamp. En fait, pas sur Bio Bazar, mais sur l'album Vita Fun. Un beau CD qui vient dans une belle pochette en carton qui rappelle celle d'un bon vieux vinyle. Pas de plastique qui casse pour rien, qui prend de la place dans l'auto et combien de place dans l'environnement. Ah, bien dit. Le graphisme rétro dont on a parlé tantôt a été réalisé par Danny Janvier lui-même. Une sélection de 9 photos pour laisser voyager l'auditeur en écoutant l'album. Tu vois, même chose que je disais, c'est, j'ai compris l'idée derrière ça. Vous pouvez l'acheter sur Bandcamp pour 15$ ou plus. Si vous voulez donner plus d'argent encore, vous avez le droit pour l'encourager dans sa carrière. Et on le félicite pour son, sa nomination, Gala de la Disque. Sûrement vous en parler tantôt, j'imagine, plus en détail dans le Dîner de con qu'il anime à partir de 11h. Voilà, c'est tout pour La Bouffe, non, non, l'album de... Et on parlait du CD en tant que tel, du design du CD. Écoute, de source sûre, je peux maintenant te dire que c'est tout simplement de ce qu'aurait l'air un vrai Vitaphone. OK. Hein? Et un Vitaphone, évidemment... Donc ouais. Là, on me demande, qu'est-ce qu'un Vitaphone? Qu'est-ce qu'un Vitaphone, bien sûr, parce qu'on n'est pas des connaisseurs là-dedans. Donc, ce serait la reproduction d'une étiquette d'un Vitaphone. Et le Vitaphone, c'était tout simplement le procédé de cinéma sonore utilisé pour les longs-métrages. Oh, c'est intéressant hein? Tout ça. Hein? Donc, Danny Janvier, Bio Bazar, et son album s'appelle Vitaphone. Félicitations et très bon... Comment dire, très bonne continuité de carrière. Voilà. Oui. Je pense que je vais dire comme ça. Je pense que ça va déjà très bien. Ça va très bien, en effet. Et on espère que ça va continuer comme ça parce que c'est bon et on aime ça. C'est excellent. On aime Danny Janvier. Écoutez-le du lundi au jeudi entre 11h et 13h, ici même, assez fou. Mais nous, c'est la fin de cette édition d'Assemblage requis. Oh non, déjà, mais là. Mais ne t'en fais pas! Parce que nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 pour une nouvelle édition. C'est génial. Demain, on est jeudi. Justine Renaud devrait là vraiment être là demain. Ah! Avec sa nouvelle chronique, avec un nom qui va commencer en IN, qui va parler de science. On lui cherche encore un nom. On va essayer de lui en trouver en onde, à moins qu'elle l'ait déjà trouvé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Aspirine. J'avais protéines, hémoglobine. En tout cas, on lui en parle demain à Assemblage requis. Elle est là avec nous attention, à quelle heure est-elle là? Je sais pas. En tout cas, c'est pas vraiment important, mais c'est 8h. Voilà. De toute façon, vous allez écouter l'émission au complet. C'est sûr. Et Laurent Constantin sera là aussi demain. Restez sur nos ondes. Le Dîner de con à 11h. Ensuite, je vais être avec Jean-Philippe Charbonneau pour les palmarès si fous à 14h. Et puis à 19h, c'est les audacieuses. Passez une très belle journée. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Merci à... c'était Marie-Laurence Audet aussi. Oui. À demain. Bye.